Bonsoir et merci pour votre fidélité. Il est 19h précise et dans nos studios, 17h, taille universelle, le journal français au rendez-vous. Vous recevez Willy Sindayeola à la présentation. Jimmy Blaise-Nizonida est de l'autre côté vitré. D'abord les grandes articulations de ce journal. La mauvaise gouvernance de la COGERCO et l'ignorance du gouvernement du Burundi sont les unes des causes de l'état de faillite auquel est la société étatique COGERCO Plus dans cette édition. Le gouvernement devrait faire des investigations pour confirmer ou infirmer les rapports concernant les violations des droits de l'homme au Burundi. Vous entendrez Gaspard Kobako, porte-parole du parti CNDD, qui le dit dans cette édition aussi. La mairie de Bujumbura a outrepassé le contrat signé avec les commerçants de matériel scolaire et voit aux alentours de l'ex-marché central de Bujumbura en leur intimant l'ordre de vider les lieux avant ce mardi prochain. Plus dans cette édition, c'est vendredi, vous en êtes habitué, la chronique économie au rendez-vous. Bienvenue. Bonsoir encore, sécurité. Pour débuter cette édition, deux personnes sont mortes foudroyées ce jeudi 16 septembre 2021 et quatre autres, dont une femme enceinte, ont survécu et subissent pour le moment des soins de santé à l'hôpital de Makamba. Les faits se sont passés sur la colline Murago, zone Gitaba de la commune Makamba. Toutes ces personnes étaient d'une même famille du nom de Samuel Habonimana. Ce sont des informations que nous devons à notre correspondant à Makamba, David Ndereimana. Et la commission onusienne d'enquête sur la situation des droits de l'homme au Burundi affirme que la situation des droits de l'homme s'est améliorée dans ces derniers jours. Le président de cette commission, M. Doudou Diène, indique cependant que cela ne signifie pas que tout est rose en matière de droits de l'homme au Burundi. Suivez. Les discours de haine envers les opposants ont été globalement remplacés par des appels officiels à la tolérance politique, mais des propos les assimilant à des, je cite, ennemis du pays, fin de citation, ressurgissent régulièrement. La violation politique semble globalement diminuer, mais ce n'est pas pour autant un signe d'une amélioration de la tolérance politique. En effet, des instructions auraient été données à des imbonerakure après les élections pour qu'ils cessent leur violence envers les opposants, mais ils restent mobilisables à tout moment, comme cela a été le cas dans certaines provinces à la suite des incidents de sécurité. Aucune mesure structurelle n'a été prise pour garantir que les coupables des violations commises lors des élections soient sanctionnés ou empêchés que de telles pratiques ne recommencent. Doudou Diène, il est président de la commission onusienne d'enquête sur les droits de l'homme au Burundi et la force de lutte contre le népotisme et le favoritisme au Burundi, Folicon FSNS, qui en faut contre ces allégations de cette commission et précise que des avancées sont significatives dans le respect des droits de l'homme au Burundi. Gérard Hakizimana, président de la Foicon F, précise que les experts d'enquête sur le Burundi veulent maintenir leur travail, mais espèrent que le mandat de cette commission ne sera pas renouvelé. Gérard Hakizimana. Niaza ko avuze ko hakiri ibitarakorwa mu gatakazi na muntu atari ku rubuga by'ukuri turabona ko. Je pense que quand il dit qu'il y a affaire, alors qu'il n'est pas sur le terrain, ces allégations sont mensongères. Le Folicon F est l'une des organisations qui ont adressé une correspondance aux responsables des droits de l'homme aux Nations Unies pour que le mandat de cette commission ne soit pas renouvelé, car ce que Doudou Diène déclare n'a pas aucun fondement, à part qu'il n'est pas encore été au Burundi, il ne demande même pas ce qui sont dans le pays. Donc, ces allégations sont des mobiles politiques au Burundi. Les droits de l'homme sont respectés et le pays s'est développé dans plusieurs secteurs. Le peuple est libre. Ceux qui sont arrêtés ne peuvent pas manquer, car il y a ceux qui commettent des infractions, qu'ils dénoncent des disparitions, alors qu'ils ont lu les rapports des organisations qui ne se trouvent pas dans le pays. Et ça ne donne pas la confiance à cette commission. Ce qui est important, Ce que les Burundis sont à l'œuvre pour le développement du pays dans notre organisation, nous réaffirmons que cette commission n'est plus nécessaire. Car même au Burundi, il y a une commission nationale indépendante de droits de l'homme, CNIDH, avec Tatia. Nous précisons que ses propos n'évoluent pas. Il cherche son boulot. Il y a des avancées palpables en ce secteur. C'est pour cela que nous espérons que son mandat ne sera pas renouvelé et qu'il doit cesser de terner l'image du Burundi. Gérard Hakidimana, président de la Floricon, est traduit en français par notre confrère Raymond Ndimana. Et le gouvernement devrait faire des investigations pour confirmer ou infirmer les rapports concernant les violations des droits de l'homme au Burundi. C'est du moins ce qu'estime Gaspard Kobako, porte-parole du parti CNDD. Cet homme politique fait savoir que cela est la façon de désapprouver des rapports qui peuvent être faux. Cependant, Gaspard Kobako précise qu'il y a un léger mieux suivi. Ce rapport devrait être corroboré par les agents neutres sur le terrain pour dire il y a eu tel disparu, il y a eu tel mort. Faire des investigations aussi au niveau de tout le pays pour dire quelles sont les personnes qui ont été portées disparues dans votre province et où est-ce qu'elles se trouvent, passer par les différentes prisons pour confirmer et infirmer l'existence de ces personnes. Je crois que c'est la seule façon de pouvoir crédibiliser ce rapport de Doudienne. Je sais que dans ce rapport, il fait allusion par exemple à la situation qui prévalait en 2015. Il fait allusion à la situation qui prévalait en 2020. Et nous devons dire honnêtement que la situation qui prévalait en 2015, ce n'est pas la situation qui prévalait il y a une année avant la prise de pouvoir. Il y a un léger mieux. Donc nous disons et réaffirmons que ce qui devrait être fait au niveau des droits de l'homme, ce serait de vérifier par des faits, par des gens neutres, ce rapport de Dodo Dien, pour qu'on puisse infirmer ou confirmer ce qui a été dit. Donc le gouvernement doit s'engager, s'impliquer, justement, pour se délaver, je dirais, de ces accusations qui ne sont pas nécessairement une des plus fondées. Politique, à présent, le parti UPRON a félicité en cause le président de la République du Burundi pour son engagement ferme à asseoir la bonne gouvernance au Burundi et le fait de sanctionner ceux qui détournent des fonds publics. Cela figure dans un communiqué de presse sorti ce vendredi à la veille de la célébration du 60e anniversaire de la victoire des élections législatives du 18 septembre 1961. Ce parti demande à l'État de continuer sa lutte contre la propagation du Covid-19 et direction ex-marché central de Bujumbura. Les commerçants du matériel scolaire installés aux alentours de cet ex-marché central de Bujumbura s'indignent de la mesure du maire de la ville de Bujumbura, leur intima l'ordre de vider les lieux jusqu'au mardi de la semaine prochaine. Ces commerçants expliquent que leurs contrats d'occupation sont toujours valides jusqu'au 30 septembre courant, plus avec Mireille Naouminitegek. Les commerçants des matériels scolaires près de l'ex-marché central de Bujumbura disent qu'ils sont dans la confusion totale par rapport à la mesure du maire de la ville. Ils disent que c'est une mesure contradictoire vu que sur leur reçu, la date limite est le 30 septembre 2021. Nous sommes accoutumés de vendre le matériel scolaire dans ces lieux pour une période de 2 mois, c'est-à-dire depuis le mois d'août jusqu'au mois d'octobre. Nous avons la qui est de déménager le 1er octobre, mais aujourd'hui, nous avons aussi avant. Quant à nous, ça serait une injustice. Il est mentionné, s'il récite que les contrats prendront fin le 30 septembre, si cela ne se tient pas, ça sera vraiment une injustice. Cette décision a été si lourde pour nous. Nous avons encore des cahiers dans les stands. Nous avons approvisionné à partir des dates proposées par la mairie, même les récits que nous avons, nos contrats vont expirer le 30 septembre. Selon cette vendeuse, même si la rentrée scolaire a débuté, tout de même, il y a encore des clients qui viennent acheter les matériels scolaires. Nous avons attendu les clients car ils ne reçoivent pas les moyens pour acheter les matériels au complet au même moment. Ces commerçants demandent le respect du délai mentionné sur leur reçu, vu que leur stock n'est pas encore écoulé. Nous demandons que nos contrats soient respectés et qu'ils nous attendent pour expirer la période de prévue. Ce que nous demandons, c'est le respect de la date convenue dans le contrat. Nous demandons si possible de revoir cette mesure et nous attendre jusqu'au 30 septembre, ça serait mieux. C'est au moment où le maire de la ville de Bujumbura, Jimmy Atungimana, a pris une mesure que d'ici mardi le 21 septembre, ces commerçants de matériel scolaire autour de l'ex-marché central de Bujumbura doivent quitter les lieux. Merci à Mireille Naomi Nitegeka. La compagnie de gérance du coteau du Burundi, Cogeco, vient de passer toute une décennie en travaillant à perte. Comme le précise Madame Bélé Gustave, directeur général de cette société étatique, dans la conférence de presse de ce vendredi, Madame Bélé explique que la Cogeco fait actuellement face au manque de financement et fort endettement dû à une mauvaise gouvernance de la compagnie durant cette décennie. Gustave et Madame Bélé met tout espoir dans la restructuration mutative de la société étatique à la société mixte. Gustave Madambe. La société Cogeco est depuis plusieurs années dans des difficultés financières qui deviennent un handicap pour la planification, pour la mise en œuvre de ces plans d'action. Nous vous dirons qu'il y a plus d'une décennie que la Cogeco affiche un taux d'endettement au-dessus de la normale. L'entreprise n'a pas pu même payer les redevances et les dividendes à l'État qui était 100% à l'actionnaire. Si il y a eu beaucoup d'entreprises dans ce pays qui ont fermé, c'est vrai que premièrement, ça a été la mauvaise gouvernance, le mauvais management des gestionnaires au quotidien, aussi la non-prise de décision, le non-suivi et par le gouvernement. Aujourd'hui, comme état le corollaire de plusieurs années, il est au bord de la faillite. C'est pourquoi nous avons proposé deux voies de redressement. Entre autres, le refinancement par l'État, 100%. Pour que la Cogeco puisse rester une société publique, nous avions aussi proposé une autre option, la paix à participation avec les investisseurs privés pour qu'ils puissent former avec le gouvernement en mettant en commun les actions. Une société est mixte, c'est la deuxième qui a été adoptée. C'est la voie qui a été adoptée par le gouvernement dans la réunion du Conseil des ministres du 9 décembre 2020. Mais quand même, pour continuer à produire du coton malgré cette situation, le ministre de tutelle a mis en place une commission pour appuyer la Cogeco dans la recherche des financements. Cette commission appuie aussi dans le processus de restructuration en cours, une restructuration qui vise de trouver une solution durable. Et les étudiants de l'université d'Ngozi sont appelés à promouvoir la paix et l'unité. C'est un appel du recteur de cette institution universitaire à l'occasion du lancement officiel de la semaine dédiée à la paix. C'est ce jeudi 16 septembre 2021. De Ngozi, Longe Hasabamagara. Comme l'annonce le recteur de l'université d'Ngozi, Abbé Apollinaire Bangayimbaga, tous les étudiants de l'université d'Ngozi et d'ailleurs sont appelés à œuvrer pour la paix et l'unité. Abbé Apollinaire Bangayimbaga l'a dit au cours du lancement officiel de la semaine universitaire pour la paix à l'université d'Ngozi. C'était ce jeudi le 16 septembre 2021. Il a dit qu'il est temps que la jeunesse se rassemble pour la paix, l'unité et le développement. De son pays, c'est que nous invite à travailler, à œuvrer pour la paix. Et dans notre pays, travaillons pour sa survie dans la paix. Parce que depuis les années d'indépendance, depuis 1965, nous avons des guerres. Qui vivent d'ailleurs? Combien de morts depuis ce temps-là? Dieu seul sait. Combien de blessés dans l'âme et dans le corps? On ne saurait pas le nombre. Dieu seul sait combien de réfugiés, combien de frères de veuves à cause de ces guerres-là. Dieu sait qui c'est. Alors il est temps de rompre avec les conflits ethniques et politiques et travaille pour la paix, pour travailler pour son développement. Des étudiants trouvés sur place nous ont révélé que c'est un honneur de recevoir de telles activités au sein de leur université. Ils demandent aux autorités de cette université de toujours penser aux activités relatives à l'unité, au patriotisme et au développement pour le bien-être de cette université d'Ngozi. C'est grâce à de telles activités patriotiques que cette université n'a connu aucun problème politique, ethnique ou religieuse depuis 22 ans d'existence. Cette semaine pour la paix à l'université d'Ngozi a débuté ce jeudi le 16 septembre et prendra fin le 23 septembre 2021. À l'agenda des activités figurent différentes conférences sur la paix et communication sur l'environnement, pour signifier que les étudiants doivent éviter la guerre car elle détruit notre environnement. On a également organisé des activités sportives, un championnat interfacultaire car le sport favorise la paix. La devise de l'université d'Ngozi est la paix, la connaissance et le développement. On rappelle que la journée internationale pour la paix est célébrée le 21 septembre de chaque année. Depuis Ngozi, Longin Hassaba Magara, RSF, Bonne Chaïsa. Chronique économie sur Bonne Chaïsa. Dans la chronique économie de ce vendredi, direction marché côté russe et dans la commune urbaine de Nahangwa, où les commerçants des fruits et légumes ont été délocalisés de ce marché vers le marché d'Ongagara. Ces commerçants témoignent qu'ils ont toujours été déstabilisés dans l'exercice de leur métier. Ils demandent que cette mesure puisse être revue. Efraim Tidza. Ces vendeurs de fruits et légumes au marché de Kotebu, dans la capitale économique de Bujumbura, font savoir qu'ils ne sont pas à l'aise car ils déménagent beaucoup. Ces vendeurs font savoir en outre qu'ils ne savent pas à quel sens se vouer car ils ont commencé à travailler comme vendeurs ambulants, puis on leur a demandé de venir travailler au grenier du Burundi à l'ex-marché de Bujumbura. Ils ont travaillé dans cette place jusqu'au jour où l'incendie s'est déclaré dans cette place et ils sont allés à Kinindo, puis vers le marché de Kotebu, ils sont jusqu'à présent. Ces vendeurs ajoutent qu'ils ne comprennent pas pourquoi on leur oblige de quitter Kotebu vers Ngagara. Nous avons commencé à travailler au centre-ville de Bujumbura, puis après l'incendie, nous étions devenus des vendeurs ambulants et on nous a chassés vers ce lieu ici. Nous avons déjà subi des pertes et nous y sommes habitués. Il faut qu'on nous laisse ici. Ces vendeurs disent que cette mesure de déménager vers Ngagara c'est en leur défaveur car dans ce marché de destination, il n'y a pas de clients. Ces vendeurs de fruits et légumes au marché de Kotebu demandent aux autorités de la mairie de Bujumbura de tout faire afin de les laisser travailler dans ce marché car c'est un lieu clair et habitué jusqu'à maintenant. Cette décision de nous déménager vers le marché d'Ongagala est défavorable pour nous car il n'y a pas de clients dans ce marché d'Ongagala. Il n'y a pas de clients dans ce marché. Le marché d'Ongagala est ouvert de 6h du matin à 21h et on vend les tomates, les aubergines et les oignons seulement. Ces fruits et légumes qui sont chers n'ont pas de clients. La situation étant ainsi au moment où le maire de la ville de Bujumbura, Jimmy Atungimana, a récemment sorti un communiqué disant que tous les vendeurs de fruits et légumes ainsi que les parkings des transports en commun doivent déménager vers le marché d'Ongagara depuis le 30 septembre de cette année en cours. Merci à Ephraim Tchida. C'est par cette chronique que prend fin ce journal. Merci pour votre fidélité. Merci à toute la rédaction de la RSF Bonesha FM. Merci à Jimmy Blaiseni, Zongiza qui était de l'autre côté vitré. Le journal vous a été présenté par Willy Sindayehura. Bon week-end et bonne suite de programme.